En glissant dans la boutique, Hortense y avait distingué tout aussitôt le fameux groupe mis en évidence sur une table placée au centre dans le champ de la porte. Sans les circonstances auxquelles elle en devait la connaissance, ce chef-d'œuvre eût vraisemblablement frappé la jeune fille par ce qu'il faut appeler le brio des grandes choses, elle qui, certes, aurait pu poser en Italie pour la statue du brio. Toutes les œuvres des gens de génie n'ont pas au même degré ce brillant, cette splendeur visible, à tous les yeux, même à ceux des ignorants. Ainsi, certains tableaux de Raphaël, tels que la célèbre Transfiguration, la Madone de Foligno, les fresques de Stans au Vatican, ne commanderont pas soudain l'admiration, comme le joueur de violon de la Galerie Chiara, les portraits des Donis et la vision d'Ézéchiel de la Galerie de Pitti, le portement de croix de la Galerie Borghese, le mariage de la Vierge du musée Brera à Milan, le Saint Jean-Baptiste de la Tribune, Saint Luc peignant la Vierge à l'Académie de Rome, n'ont pas le charme du portrait de Léon X et de la Vierge de Dresde. Néanmoins, tout est de la même valeur. Il y a plus. Le Stans, la Transfiguration, les Camailleux et les trois tableaux de chevalet du Vatican sont le dernier degré du sublime et de la perfection. Mais ces chefs-d'œuvre exigent de l'admirateur le plus instruit une sorte de tension, une étude, pour être compris dans toutes leurs parties, tandis que le violoniste, le mariage de la Vierge, la vision d'Ézéchiel, entrent d'eux-mêmes dans votre cœur par la double porte des yeux et s'y font leur place. Vous aimez à les recevoir ainsi, sans aucune peine. Ce n'est pas le comble de l'art, c'en est le bonheur. Ce fait prouve qu'il se rencontre dans la génération des œuvres artistiques les mêmes hasards de naissance que dans les familles où il y a des enfants heureusement doués, qui deviennent beaux et sans faire de mal à leur mère, à qui tout sourit, à qui tout réussit. Il y a enfin les fleurs du génie comme les fleurs de l'amour. Ce brio, mot italien intraduisible, et que nous commençons à employer, est le caractère des premières œuvres. C'est le fruit de la pétulance et de la fougue intrépide du talent jeune, pétulance qui se retrouve plus tard dans certaines heures heureuses. Mais ce brio ne sort plus alors du cœur de l'artiste, et au lieu de le jeter dans ses œuvres comme un volcan lance ses feux, il le subit. Il le doit à des circonstances, à l'amour, à la rivalité, souvent à la haine, et plus encore au commandement d'une gloire à soutenir.